Je m'appelle Barnum, Phineas Taylor Barnum. Je suis un faiseur de miracles. Et tout ce que je vous ai promis, vous allez l'avoir. Pourquoi ? Parce que toutes les 60 secondes, il se produit dans le monde un phénomène étrange. Vous trouverez toujours quelqu'un pour se faire avoir. À vous de profiter de ce pigeon. C'est ça le blabla. Je sais qu'un pigeon naît toutes les minutes. Et quand je veux le ramasser, il me suffit de me baisser. Je ne cherche pas le client, car il repousse comme du chien. Non, je sais qu'un pigeon naît toutes les minutes. À moi de lui jeter un peu de poudre aux yeux et de lui charmer les oreilles en tous azimuts. J'en connais un rayon pour tirer les pigeons. Celui qui passe chauffe la place du pigeon qui est à la caisse, équipé pour asseoir ses fesses le temps d'une représentation sur la chaise d'un autre pigeon. Dieu vous protège. Sur votre siège, il y en aura pour tout le monde, mesdames, messieurs. Et même je ferai 50%, qui dit mieux, pour les pigeons qui ont une colombe avec eux. Si je vous montrais maintenant le plus petit être vivant, avouez que ça vaut son pesant de bon argent. Imaginez encore plus grand que je vous montre un chien savant qui siffle un air en dansant la valse à trois temps. Imaginez que je propose une femme tronc en col en rose. Est-ce que cela ne vaudrait pas un petit quelque chose? Je ne m'appelle plus Phineas si je n'ai pas le carré d'as, si je n'ai pas toujours une idée qui dépasse. Puisque tout s'achète, tout se vend, alors je vous vendrai du vent. Un pigeon naît toutes les minutes, et quand je veux le ramasser, il me suffit de me baisser. Je ne cherche pas le client, car il repousse comme du chien. Donc je sais qu'un pigeon naît toutes les minutes. Attendez voir et vous allez savoir pourquoi. Je connais bien ce volatile qu'on tire droit au but. Car le plus gros pigeon chez les pigeons, c'est... Moi. Sur la piste du fond, pour commencer le spectacle, voici Monsieur Phineas Taylor Barnum transformant le plomb en or pur en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quand je vois le monde qui perd la boule, quand je vois tous ces murs qui s'écroulent, je dis merci là-haut d'être une vieille peau. Puisque rien n'est plus comme de mon temps, qu'on les entend tous compter l'argent. Ça me ferait mal, pépère, de revenir en arrière. Laisse le temps faire son boulot sur des enfants à coups de couteau. Il peint tout le temps ses vieux tableaux. Oh! les couleurs de ma vie sont les couleurs du ciel, violet ou vert ou indigo, rouge, orangé ou miel. C'est un feu de Bengale dans une nuit d'été. C'est une pluie d'étoiles qui tombe en liberté. J'ai laissé sans regret le gris des alentours pour découvrir à l'aventure des éclairs en plein jour. Le vol multicolore de mille oiseaux. Je chercherai encore tant qu'un soleil en or sera là-haut. C'est sans regret le gris des alentours pour découvrir à l'aventure des éclairs en plein jour, le vol multicolore de mille oiseaux. Chercherai encore tant qu'un soleil en or sera là-haut. Tout ça, c'est de ta faute, Madame Barnum. Si tu t'étais posé quelques questions logiques avant de l'épouser, tu aurais fui au plus vite cet homme qui veut changer les couleurs du temps. Rêve inutile. Les couleurs de ma vie sont des couleurs pastel qui font des fleurs sur les rideaux. Qui s'installe, un nuage de lait, la tendresse qui parle sur deux tasses de thé, c'est ce que je voudrais, et la pluie certains jours donne à la terre une parure de rose pompadour. Je cherche le confort et le repos. Et si le feu est mort, je l'allumerai encore. Pour qu'il ait chaud. Le ciel nous a donné deux bras, un cœur et un peu d'estomac. C'est pour bâtir quelque chose ici-bas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne faut pas baisser les bras. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Pour bien bâtir, comme pour l'urber à bas, il faut savoir poser une brique à la fois. Faut du courage pour s'asseoir sur le dernier étage d'un milliard de dollars. Il faut semer pas à pas, grain par grain, pour voir des champs de blé et des bleuets l'été prochain. Et pour pouvoir grimper jusqu'au ciel dans ta tour de Babel, commence en bas, une brique à la fois. Achète d'abord un rabot et retrousse tes manches un peu plus haut. Si tu veux tailler des cure-dents dans un vieux chêne de 100 ans, commence par aiguiser ton couteau. Il faut des heures au soleil qui veut faire des montagnes de sel avec l'eau de la mer. Pour un petit pot de miel, l'abeille a fait combien d'heures supplémentaires? Les hommes. Il faut sentir la boue, la poussière s'appuyer sur la terre comme on s'en va. Une brique à la fois. C'est dur, c'est sûr, de faire un mur qui dure. Les seaux d'eau chaude, ça pèse sur le dos. Il faut monter sur une grande échelle. Il faut manier la pelle et la truelle. Mais quand on a un copain voisin qui vient pour rien donner un coup de main, ça donne du cœur au ventre et puis voilà qu'on arrive au sommet du toit. Pour bien bâtir comme pour lire chez là-bas, il faut savoir poser une brique à la fois. Faut du courage pour s'asseoir sur le dernier étage d'un milliard de dollars. Il faut se champs de blé et des bleuets l'été prochain. Et pour pouvoir grimper jusqu'au ciel dans ta tour de Babel, commence en bas, une brique à la fois. Une brique à la fois, chacun la sienne, à toi, à moi. Une brique à la fois, chacun sa peine et l'en fera. Une brique à la fois, un mur qui n'en finira pas. Dans mon musée est unique, même le prix d'entrée, 1 dollar. Peut-être cela vous semble-t-il un peu cher, mais ça valait le coup. Imaginez ce que je leur donnais. L'Amérique, pays magnifique, manque un peu d'histoire authentique. Ça explique ce mélange unique de galimatia et de salmigondi. Dans le même sac, on peut trouver un cul de jatte qui s'est bêtement coupé la patte en aiguisant un tomahawk. Une femme à barbe, un éléphant, tout de 100 tonnes, des siamois et la nounou de Monsieur Washington. Un truc vaudou, une Mona Lisa. Dessiné par Léonard de Vinci, trois gitanes, deux violons ziganes, avec un David de Miguel Angel Style. Un bout de wagon qui est parti pour l'Oregon, et Benjamin sur son balcon piqué sur un paratonnerre. Les deux poids des îles de la première constitution, l'œuf de Colomb et le journal de bord du Mayflower. Une tête d'anthropopithèque, découverte dans le Massachusetts. Et les dents pointues de la fourchette, le carré l'assiette et le morceau de savonnette. Et le chapeau avec la couette de David Crockett. L'Amérique, pays magnifique, manque un peu d'histoire authentique. Ça explique ce mélange unique de galimatia et de salmigondi. Dans le même sac, on peut trouver un cul de jatte qui s'est bêtement coupé la patte en aiguisant un tomahawk. Une femme à barbe, un éléphant, tout de 100 tonnes, d'ici à moi et la nounou de Monsieur Washington. Un truc vaudou, une Mona Lisa, dessinée par Léonard de Vinci. Trois gitanes, deux violons ziganes, avec un David de Miguel Angel Style. Un bout de wagon qui est parti pour l'Oregon et Benjamin sur son balcon piqué sur un paratonnerre. Les deux poids des îles de la première constitution, l'œuf de Colomb et le journal de bord du Mayflower. une tête d'anthropopithèque découverte dans le Massachusetts. Et les dents pointues de la fourchette, le carré, l'assiette et le morceau de savonnette et de chapeau avec la couette de David Croquette. Sur la piste centrale, mesdames et messieurs, Monsieur Phineas Taylor Barnum, confronté à la plus féroce de toutes les bêtes de la jungle, une femelle qu'on a fait poireauter plus d'une heure et 14 minutes. Et c'est à main nue que Monsieur Barnum va affronter cette bête féroce, l'éternel féminin. Ce n'est pas toujours facile, mais j'adore ton style. J'adore ton style. Nous n'avons pas le même pas. Je cours devant ou derrière toi. Quand je propose, tu me contestes. Quand je dispose, tu me détestes. Avoue que ce n'est pas toujours facile. Que ce n'est pas toujours facile. Mais j'adore. Mais j'adore, j'adore ton style. Un peu de larmes, beaucoup de rire. On va garder ce programme pendant les 100 ans. Quatre pieds six pouces, voilà toute ma hauteur. Moi je rase la mousse, mais tous ceux qui poussent ne me sont pas supérieurs. Et les minuscules sont moins ridicules quand ils sont un peu futés que les majuscules quand ils ont des bulles à la place des idées. Goliath le colosse fut KO par un enfant. Avec de l'astuce, il suffit d'une puce pour rendre fou l'éléphant. Si tous les immenses ont une meilleure chance au début de la bagarre, quand l'intelligence fait la différence, on est tous grands quelque part. Dans la vie, moi je suis mentalement sain. La folie des grandeurs, ce n'est pas ma folie. Le ciel me pardonne quand je m'étalonne, je me trouve très bien comme ça. S'il me manque peut-être quelques centimètres, quelques millimètres, je suis content d'être moi. Quelquefois pour aimer qu'un cœur miniature, zéro de pointure, où personne ne peut entrer. Je suis un gavroche, du vent dans les poches, mais j'ai un cœur gros comme ça. S'il me manque peut-être quelques centimètres, quelques millimètres, je suis content d'être. Je suis content d'être. Thank you. clou de la représentation, la plus grande compétition de tous les temps, Monsieur Phileas Taylor Burnham, seul, sans armes et sans filet, dans un farouche corps à corps avec le destin. Je vis planté comme un piquet et je tourne comme une horloge. C'est pour quand cette liberté? Je questionne et je m'interroge. J'ai envie de faire un peu mieux. Je ne suis pas le voisin d'en face. Moi j'ai quand même un rêve ou deux. Il me faut un peu plus d'espace. C'est vrai qu'ailleurs tout est meilleur. C'est vrai qu'ici tout est tout gris. À la maison tout est marron. Mais à l'extérieur tout est en couleur. Je confie ma voile à ma bonne étoile. Je ne mets pas mes pas dans les pas, et tout seul je ferai ma trace. Les faux pas c'est tant pis pour moi, si je tombe je me ramasse. Mon chemin c'est ce petit fil, où je balance en équilibre. Je ne vis pas en double fil, moi je vis comme un homme libre. Si j'ai choisi ma drôle de vie, entre parterre et paradis, c'est qu'on respire bien mieux ici. Et je prends l'air comme un funambule, et je prends l'air d'une libellule. J'en ai assez des pieds dans la colle, je bats des ailes et puis je m'envole ailleurs. C'est entre les tours des cathédrales, je veux tendre mon fil un jour entre la terre et les étoiles. C'est vrai qu'ailleurs tout est meilleur. C'est vrai qu'ici tout est tout gris. À la maison tout est marron. Un morceau de ciel, je veux brûler mes ailes au soleil. Je veux balader mon cœur à son tour s'accorde avec le tambour. On entend l'écho d'un petit trémolo. C'est un piccolo, c'est trois notes qui glissent, c'est un xylophone. Et cet œil en coulisse, c'est celui du trombone. Musique en cristal, faites attention, c'est fragile. Et voici majestueusement comme au jour du couronnement. Les mélophones, les saxophones, les sousaphones. Les trompettes attaquent, les cuivres éclatent, les tambours roulent et les cordes grattent. Dans les rues, dans les squares, tout le monde est venu les voir. Dans les squares, tout le monde est venu les La baguette et la jupette d'une majorette vont te tourner la tête. Et tu marcheras au pas de la grosse caisse au tempo du tuba. Est-ce que tu n'as pas envie de tout quitter pour aller faire la fête? Prends tes clics et tes claquettes. La grande parade n'attend plus que toi. Viens suivre la bande. Viens suivre la bande. Deviens musicien. Deviens musicien. Si on te demande, dis que tu sais bien taper des pieds. Les monuments, Les politiciens, ces imbéciles, ne sont bons qu'à faire des baptêmes, des beaux discours sur le système et inaugurer des chrysanthèmes. Tu aurais pu être conseiller. Votez ! Tu aurais pu être député. Votez ! Ce n'est pas assez bien. C'est un tout menu fretin. Tu seras le président prochain. Noir et blanc, il fait sa politique en noir et blanc. Avec ses belles promesses, quelques scandales dans la presse. Des saluts au drapeau et un faisant toujours payer les gros. Il prend ses arguments entre noir et blanc. Avez-vous étudié mon programme? Je défendrai les droits de la femme. Auprès de moi, vous vous battrez pour la justice et le progrès et contre les inégalités. Donnez-moi ce qu'il faut de suffrage et nous abolirons l'esclavage. Au fond des yeux, regardez-moi au moment de donner vos voix. C'est à vous de faire le bon choix. Noir et blanc, je fais ma politique en noir et blanc. Avec de belles promesses, quelques scandales dans la presse. Des saluts au drapeau et surtout en faisant payer les gros. Pour les noirs, pour les blancs, Madame Barnum, je suis en train de perdre leur voix. Ils m'échappent. Laisse-moi mettre un peu de couleur dans ma campagne électorale. Où je vais être battu, chérie. Je t'en supplie, délie-moi de ma promesse. Vas-y, Taylor. Le voilà, bavardage et baratin, bafouillage et baragouin, bluff, bobard et boniment. J'ai tout ça dans le sang. Regardez le tsar, des roublards, de la blague et du bagou, des bidules de mauvais goût, frime en prime, ne partez pas. J'ai tout ça sur moi. Je suis le duc de l'arnaque, le marquis des sous-marques, l'empereur de la magouille, le seigneur de l'embrouille. Je suis le négus du laïus. Avant même de dire ouf, je vous fais mon coup d'esbrouf, pouf et plouf, et c'est vendu. Je t'ai eu. Dans un monde à moitié cuit, à moitié foutu, je suis pour la poésie du coup de pied au cul. Quand la mort autour de nous vient faire ses pirouettes, je fais partir un pétard pour lui éclater la tête. Qui saura vous inventer la fête? Le roi du blabla, toujours moi. Car j'ai l'art du canular, des histoires à ne pas croire, frime en prime, ne partez pas. Bon Dieu, écoutez-moi, je suis le roi du blabla. Toujours rêvé de faire ta vie en couleur, toi qui as toujours pensé à t'embarquer pour ailleurs, saute dans une roulotte et à grands coups de pinceau, écris ton nom sur un grand chapiteau. Viens, c'est le circus qui t'emmènera au bout de la terre. C'est le circus qui te baladera dans un monde imaginaire. Quand le cirque ce sera oui, pile non. Monsieur Bailey, vous vous êtes trouvé un nouvel associé au plus grand cirque d'Amérique, au plus grand chapiteau du monde. Sur la piste centrale, une toute dernière attraction de choix. Monsieur Phineas Taylor Barnum, lui-même. Bien sûr, tout ceci s'est passé il y a très longtemps. Joyce Hayes a disparu, le musée américain est oublié. Et la baleine du Labrador et Jenny Lynn et... mon pauvre Tom Pouce... Les immigrés du Mayflower sont tous morts avec leurs rêves et il paraît même que leur bateau est tombé en poussière. Tout bouge, tout change. Les couleurs du monde sont tristes. Et même mon blabla ne marcherait plus aujourd'hui. Dommage. Parce que... Je sais qu'un pigeon naît toutes les minutes. Et quand je veux le ramasser, il me suffit de me baisser. Je ne cherche pas le client, car il repousse comme du chien. Donc je sais qu'un pigeon n'est toutes les minutes.